Comment parler des massacres de 1793-94 en Vendée? Dans plusieurs de mes chroniques, j'ai évoqué ce qui sépare les porteurs de mémoire, qui utilisent le passé pour épuiser des arguments leur permettant de défendre telle ou telle cause, et les historiens de métier, qui se donnent pour mission de comprendre ou d'expliquer le passé. Cela n'empêche pas que les querelles mémorielles puissent aussi exister au sein du petit milieu des historiens universitaires. Pour illustrer ce point, j'évoquerai aujourd'hui les controverses concernant la guerre civile qui opposa dans l'ouest de la France les républicains, surnommés les bleus, aux royalistes, les blancs, pendant la Révolution française. De l'hiver 1793 au printemps 1794, en pleine période de terreur, les troupes révolutionnaires menèrent une répression sanglante contre les insurgés. Bien que les chiffres soient encore discutés, les historiens estiment le nombre des victimes à environ 200 000 morts, un quart d'entre elles du côté des forces républicaines. L'interprétation de ces massacres a été l'un des enjeux majeurs des polémiques mémorielles dans lesquelles les historiens eux-mêmes ont été pris tout au long des 19e et 20e siècles. Le dernier épisode de cette histoire de l'histoire a commencé au début des années 1980 quand Pierre Chaunu, l'un des historiens les plus connus de l'époque, a utilisé le mot « génocide » pour qualifier cette répression, s'inscrivant ainsi dans le sillage des universitaires qui présentaient la politique de Robespierre comme une forme de totalitarisme. Dans un contexte marqué par la préparation du bicentenaire de la Révolution française, le fait qu'un historien réputé puisse utiliser un terme qui évoquait, pour tout le monde, l'extermination des Juifs par les nazis, eut un énorme impact médiatique qu'une partie de la classe politique tenta d'exploiter à son profit. En 1987, Jean-Marie Le Pen, qui dirigeait alors le Front National, déposa un amendement pour que les massacres de Vendée soient reconnus comme un crime contre l'humanité. En 2009, des députés de droite présentèrent une proposition de loi à l'Assemblée nationale visant à la reconnaissance du génocide vendéen. Des initiatives semblables ont été prises par d'autres élus de droite et d'extrême droite en 2012, 2013 et 2018. La grande majorité des historiens spécialistes de la période révolutionnaire ont pourtant récusé le qualificatif de génocide pour qualifier cette répression. Sans pouvoir entrer dans les détails, je me contenterai de rappeler l'argument à mes yeux le plus sérieux qu'ils ont avancé. Il concerne la différence qui sépare la vérité, au sens juridique ou judiciaire du terme, et la vérité historique. Projeter sur le passé des normes qui datent de la seconde moitié du XXe siècle, c'est une façon d'alimenter les anachronismes qui caractérisent souvent la démarche mémorielle quand elle se lance dans des procès rétrospectifs. Comme l'a noté Jean-Clément Martin, l'un des grands spécialistes de cette question, c'est pour éviter ce genre de polémique que la plupart des collègues qui travaillent sur cette période récusent l'usage du mot « génocide », préférant les termes de « massacre » ou de « crime atroce ».